Ô soleil, il ne devrait jamais faire si beau pour un enterrement. Qu'est-ce qu'il fait là, ce soleil insolent? Depuis que Julien est mort, depuis qu'ils ont quitté Paris, il les poursuit de ses rayons aveuglants. Faustine crève de chaud dans sa robe en laine vert foncé, la seule qui convient à son deuil. Elle se sent mémère là-dedans, et vieille, si vieille! Comme dans la chanson de Marie-Paul Bell. Maxime lui a fait l'amour, la nuit de... La nuit où... C'était un réflexe animal, sans doute une question de survie. Évidemment, elle n'a rien éprouvé. Comment tu veux ressentir quoi que ce soit? Jouir, oui, dis-le, jouir, quand le corps de ton enfant repose dans la pièce d'à côté. Mais pourquoi baiser, alors? Pour contrer le destin? Se prouver que la vie est plus forte? Jean-Luc, le thérapeute, est passé hier soir. Il a pleuré. Ça fait drôle, ce grand malabar, une feuille à la main qui sanglote comme un gosse. Faustine lui en a voulu, comme s'il lui volait un peu de son chagrin. De quel droit? Elle n'a pas envie de le partager, pas encore. Même à Maxime, elle refuse. Au matin, les employés communaux sont venus. Eux aussi ont pleuré. Clouez le petit cercueil, posez les scellés. Quand vous arriverez, vous ferez contrôler par ceux de Saint-Junien. On les a prévenus, faudra juste préciser l'heure. Comme s'ils allaient se faire voler l'enfant en route. Faut être con, non mais faut être con. Après ça, rideau. Elle replonge dans le brouillard. Ils ont arrimé le couffin à l'arrière de la belle 504 décapotable gris métallisé dessinée par Pininfarina. Ça semble tellement puéril maintenant ce genre de détail. Et ils sont en train de parcourir les 800 bornes qu'ils avaient franchies 4 mois plus tôt pour monter à Paris dans leur nouvelle maison. Il fait encore plus chaud et sur l'asphalte, ça réverbère fort. L'odeur, l'atroce odeur de la mort les suit partout. Elle ne quitte plus Faustine. La mort, c'est moche et ça pue. L'enfant dans son cercueil blanc avait le visage tout nécrosé d'un côté, celui sur lequel sa tête reposait. Parce que Faustine a refusé qu'on lui mette un bandeau afin que le sang soit caché par les cheveux. Ils sont blancs et fins de toute façon, qu'est-ce que ça peut foutre? L'odeur est restée dans ses narines, douceâtre, écœurante. Ils ont quitté l'autoroute, sont déjà sur la route cantonale. Ils arrivent à proximité de Saint-Junien quand ils sont freinés par un accident. Les flics les font se déporter sur la gauche. Sur le bas-côté gît une voiture bien amochée, une carcasse plutôt. Il y a du sang au milieu de la route et un ours en peluche abandonné. Il n'y a plus personne déjà. L'ambulance est venue et repartie. 2 kilomètres plus loin, devant une ferme, on leur fait signe de s'arrêter. Un couple de personnes âgées se penche. C'est vrai qu'il y a eu un accident? Oui, juste à la bifurcation de Marciac, répond Maxime. Ils n'auront pas vu le stop caché par les arbres. Et vous, vous avez vu quelque chose? Non, pourquoi? C'était peut-être nos enfants. Ils venaient de partir. Je ne peux pas vous le dire, hélas. Il faut aller voir. J'ai peur. Désolée. Bon courage. Au revoir, crient-ils en redémarrant avec leur couffin à l'arrière du cabriolet. C'est indécent, la vie. Cruel. Obscène. Ils finissent par arriver à destination. Les responsables communaux appelés par Angèle sont là dans les 10 minutes. Ils vérifient les scellés, questionnent. Quand aura lieu l'inhumation? Demain, à 14 heures. Faustine ne veut pas, mais elle le fait quand même. Descendre à la cave, inspecter le porte-bouteille en quête de soulagement. Trouver le whisky, Johnny Walker. Elle se rappelle très bien le petit bonhomme avec son chapeau noir et son habit rouge. Ne reste plus qu'à l'ouvrir. Une gorgée à la fois. Elle est descendue combien? 2 fois? 3 fois? 4? Non, tant que ça. Elle flotte sur un petit nuage en suivant le corbillard depuis chez eux jusqu'à l'église, dans sa belle robe verte qui fait mémère. Elle transpire toujours autant. Qui aurait pu s'attendre à ces températures au mois d'octobre? Elle a presque envie de chanter. Ce n'est qu'un au revoir, mon fils. Ce n'est qu'un au revoir. La la la la la la la la la la la la la la. Elle titube bien un peu, mais c'est normal, n'est-ce pas? C'est le chagrin. Elle est folle de douleur, la pauvre. Maxime la retient comme il peut, que ça ne se voie pas trop. Il sait, lui, d'où ça vient. La cérémonie? Quelle cérémonie? Ah oui, le pitre en noir et blanc qui dégoisse sur son bébé. Qu'est-ce qu'il y connaît, lui, aux enfants, il n'en aura jamais. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour remettre Julien entre les mains du Seigneur. Après, tout le monde s'est retrouvé autour de la tombe. Faustine était la première en ligne pour qu'on lui touche la main. Toute la famille est là. Oh purée, j'ai tellement besoin d'une cigarette. Les parrains, la marraine, Jacques et Joël, habillés tout en blanc. Et leurs parents, Marcel et Vivette, et tous les autres, certains qu'elle a croisés autrefois, mais d'autres qu'elle n'a jamais vus. Tous veulent lui toucher la main. Beaucoup pleurent. L'amour d'un enfant, c'est tellement bouleversant. Faustine n'arrive toujours pas à pleurer, comme si les vannes étaient fermées. Il faut dire qu'elle a mis le paquet avant. Tous ces mois, depuis le 18 avril. Là, elle est encore anesthésiée. De toute façon, elle a oublié ses mouchoirs. Faute de pleurer, elle baisse les yeux. Heureusement, elle a mis des lunettes de soleil. Elle est qui maintenant? Comment on va s'appeler? Maman orpheline? Ex-maman? Celle qui a perdu son bébé? Pourquoi, bordel de merde, n'y a-t-il pas un putain de mot dans cette saloperie de langue française soi-disant si riche pour définir une maman qui a perdu son enfant? C'est pas comme si ça n'arrivait jamais, si? Ils ont foutu quoi, les linguistes? Sur le caveau de famille, il y a tant d'arrangements et de couronnes de fleurs, blanches évidemment, qui viennent du monde entier. Donald et Colin, Paul et Lynn, Sylvie et Jean-Fabrice, Laurie, qu'on doit en déplacer quelques-unes sur les tempes voisines. Faustine se dit qu'ils doivent être contents, les voisins, d'avoir un peu de couleur. Ça les change de leur grisaille de vieux morts. Angèle a organisé un vin d'honneur à l'auberge en face de l'église. Enfin, on peut s'asseoir. Pendant 2 heures, Faustine ronge son frein, boit tout ce qu'elle parvient à arracher à la vigilance de son époux et répond du bout des lèvres aux manifestations de compassion. Enfin, on les libère. Ils peuvent rentrer chez Angèle. Il se repose un moment avant le souper. À table, Faustine ne mange rien. Prétexte une immense fatigue pour se retirer à nouveau. À la salle de bain, elle chipe les somnifères d'Angèle dans l'armoire à pharmacie, récupère une bouteille d'eau sur sa table de chevet et sort en passant par le garage, ni vu ni connu. Il fait nuit maintenant. Elle marche le petit kilomètre jusqu'au cimetière. Par chance, il est ouvert. Elle fume la cigarette du condamné en conversant avec son fils, puis avale le flacon entier de Temesta avec la bouteille d'eau. Que ça aille vite. Et se couche dans les fleurs. Fais-moi une petite place. Je viens dormir avec toi, mon bébé. Malheureusement, Maxime s'est méfié. Ne la trouvant nulle part dans la maison, il a sauté dans la voiture, est venu tout droit à l'église, et maintenant il interpelle sa femme. Viens te coucher, mon amour, viens. Ne me laisse pas seule. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Revenue à la verticale, Faustine a un violent haut-le-cœur. Elle vomit. Dans le ruisseau. Tout. L'alcool, les médocs. C'était pas le bon mélange. À la maison, Angèle lui fait boire du café salé. Ça termine le boulot et ça la sauve. Maxime l'aborde. Dors, ma chérie, dors. Demain, on ira voir Jean. Je le lui ai promis. Au matin, ils partent pour Verdelais et ne traînent pas. Jean les accueille sur le pas de porte du prieuré. Cet homme est la bonté même. Rien qu'en la prenant dans ses bras, il rassure Faustine. « Je vais célébrer une messe pour Julien et vous deux. Ensuite, Vous pourrez rentrer chez vous. On va faire ça dans la basilique? Non, nous avons une chapelle ici pour les célébrations privées. Nous y serons plus tranquilles. Faustine est toujours en état de choc. Elle assiste, hébétée, à cette cérémonie dans laquelle elle trouve malgré tout du réconfort. Après la messe, ils remercient chaleureusement et se séparent en se promettant de se revoir dès que possible. Il remonte sur Paris en 6 heures, mange un sandwich sur l'autoroute en prenant de l'essence. Arrive exténué à Saint-Rémy. Faustine dépense ses dernières forces pour aider Maxime à vider la voiture de leurs affaires. Ce n'est qu'au moment de se coucher que la réalité la touche de plein fouet. Elle a perdu Julien. Elle a tout perdu. Tout. Alors elle s'effondre. Sur le lit des faits, elle hurle encore et encore. Elle ne reconnaît pas ce son qui sort d'elle, violent, bestial, primaire. Il y en a pour tout le quartier. Elle cherche son souffle, et cela dure, dure. Maxime, effrayé par l'ampleur du cataclysme, l'entoure, l'enveloppe de ses bras, la serre contre lui, lui caresse la tête, l'embrasse, la console, la rassure, pleure avec elle. Là, là, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Calme-toi, mon amour. Ma Stine, mamie, ma toute petite Stine. Je t'aime. Là, calme-toi. Calme-toi. Je suis là. Au bout d'une éternité, Faustine finit par s'endormir, à défaut de mourir.